Bonsoir. Bienvenue à cette conférence ayant pour titre « Vous êtes-vous réincarné avant le temps? » Si on s'est réincarné. On aurait pu l'appeler « Vous êtes-vous perdu à Longueuil? » Ah, il y en a peut-être qui sont perdus à Longueuil. J'ai failli y aller, moi. La conférence était bel et bien à Montréal aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il sera possible d'obtenir, pendant la pause, l'enregistrement de la cassette audio de la conférence. On avait demandé la semaine dernière au service éduc de nous apporter un petit bout d'enregistrement d'une musique de Wagner. Ben, c'est Wagner qui l'a réfléchi, mais c'est Orff qui l'a écrit. Et puis, c'était relié à la sortie d'Excalibur. Vu qu'on parlait un peu d'Excalibur et de ces choses-là, puis on a parlé de, possiblement, si Service Éduc pouvait trouver le morceau. Alors, s'ils l'ont trouvé, ils peuvent nous faire jouer. Je suis certain qu'ils l'ont trouvé. On va peut-être... On va écouter ça quelques secondes et on commence après. Merci de cet enregistrement. Alors, c'est une musique qui prend de l'angoisse du dragon et qui la lance à la surface de la Terre pour la transformer en Excalibur, qui est l'idée même du compositeur. Alors, il y a des individus que ça angoisse, d'autres que ça énerve, d'autres que ça énergie. Ça dépend simplement des constitutions vitales. Est-ce que la musique est un phénomène qui peut servir la réincarnation ou attirer de l'incarnation? Oui. Premièrement, le phénomène musical, on l'a vu un peu dans une des conférences, c'est de l'information qui n'est pas intelligible par la conscience astrale de l'humain. Donc, c'est une information, enfin, c'est de l'énergie astrale qui ne contient pas de langage et qui peut être communiquée à l'humain sous forme d'art. Les artistes servent à cela. Et dans cette communication, il y a la musique. Maintenant, il y a des musiques qui sont intimement sataniques. Il y a des musiques qui sont beaucoup plus libres de coloration, de polarité. Comme cette musique, qui est une musique beaucoup plus tellurique, une musique plus intraterrestre. Alors, il y a des musiques qui peuvent nourrir l'humain. Le nourrissant énergétiquement, nécessairement, cela va permettre à l'humain de supporter une plus grande quantité de vibrations réincarnatives. Et il y a d'autres musiques qui, par contre, énervent l'humain, c'est-à-dire que ces musiques-là ont une tendance à à désharmoniser la structure vitale du corps de l'humain. Donc, nécessairement, la psychologie ou l'astral s'énerve dans la musique. Et on a quelques musiques qui peuvent totalement épuiser et rendre malade. On a des musiques qui rendent stériles, on a des musiques qui aident à la digestion, on a des musiques qui aident à dormir. Ça dépend des individus, ça dépend évidemment des musiciens. Mais chaque musique ne fera pas la même réaction sur Ce sont là des humains qui sont biologiquement ou génétiquement, disons énergético-génétiquement reliés aux mêmes sources, les mêmes morceaux musicaux vont faire les mêmes effets. Alors, comme la musique qu'on vient d'entendre, eh bien, on pourrait même s'en servir pour filtrer les individus. Ceux qui s'énervent sont dans une certaine classe, ceux qui s'énergisent sont dans une autre classe. C'est évident qu'ils font un système de son, disons, capable de supporter une musique de cette envergure-là. Évidemment, ici, c'est monophonique, ce n'est pas stéréophonique. Mais on peut se servir même de musique pour pouvoir sélectionner des individus en fonction de certains travaux. OK, pour entrer dans le sujet de la conférence de ce soir, si on s'est réincarné avant le temps, il faut d'abord être d'accord avec la réincarnation. La majorité des églises et des religions n'enseignent pas la réincarnation, l'histoire non plus. Quand on parle de réincarnation, on se fait regarder avec des yeux en se faisant demander de quelle planète on vient. Qu'est-ce qui nous prouve que de la réincarnation? Premièrement, quand on parle de réincarnation, on vient de la planète Terre. C'est là que ça se réincarne. Qu'est-ce qui prouve la réincarnation? Rien. L'être humain a de la mémoire. Les religions n'en parlent pas. Beaucoup de religions en parlent. Le bouddhisme en parle, le zen en parle, l'hindouisme en parle. Donc, il y a plusieurs religions qui en parlent, mais les religions qui sont plutôt reliées au phénomène christique en parlent moins, parce qu'à partir d'une certaine date, on peut parler de Vatican II, entre autres, pour l'Église catholique, la réincarnation a été interdite d'enseignement. Donc, le pape a demandé aux prêtres de ne plus enseigner la mécanique de la réincarnation, mais ça n'a jamais été clairement dit que la réincarnation n'existait pas, même dans cette religion. Pourquoi il avait demandé d'arrêter d'enseigner cette mécanique? Pour la simple raison que l'humain étant bien souvent, l'ego de l'humain étant relativement imbécile, lorsque la réincarnation était incrustée dans la structure psychologique de l'humain, si l'humain n'avait pas suffisamment de cadre mental pour supporter cet enseignement, l'humain remettait toujours à une prochaine vie son évolution et il se vautrait dans les orgies, dans les meurtres, dans les batailles, dans l'alcoolisme et dans la drogue, dans celle-ci. Parce que bon, plus tard, on verra. Quand je vais me réincarner dans un corps plus en forme, dans une famille plus riche, eh bien, je verrai évoluer. Mais présentement, j'aime autant me saouler la gueule ou me droguer le corps physique toute ma vie parce que ce ne vaut pas la peine. Étant donné que la réincarnation a été interdite d'enseignement, l'humain avait l'humain était acculé un peu au pied d'un mur, c'était que dans cette vie-ci, il doit s'en sortir. Et sinon, il va aux enfers pour l'éternité. Et nécessairement, les égaux étant ce qu'ils sont, il y a plusieurs qui ont accroché à ça et qui ont commencé à vouloir s'en sortir. Mais c'est toujours un couteau à double tranchant, c'est-à-dire que tu peux te convaincre que tu n'as que cette vie pour t'en sortir. Quand tu es rendu à 45 ans ou 50 ans, tu peux aussi te dire, ça vaut même pas la peine d'essayer. Et là, tu recommences encore à niaiser. La réincarnation est une mécanicité qui existe. Celui qui n'a pas la conscience pour comprendre la réincarnation peut du moins avoir l'intellect pour pouvoir la théoriser, c'est-à-dire la recevoir comme théorie probable. Et celui qui ne peut pas la recevoir comme théorie probable parce qu'il est, il a foi, donc il est croyant dans une mécanique non réincarnationnelle, ça peut être une mécanique de résurrection. Donc à la fin des temps, on va ressusciter les morts, ceux qui le méritent. Mais encore, si on fait un comptage mathématique, on est 5 milliards sur le plan planétaire, mais un peu avant la Deuxième Guerre mondiale, on était plusieurs milliards qui sont déjà morts. Si on recule 2, 3, 4 ou 5 ou même 30 000 ans, ça fait peut-être quelques billions, donc des millions de milliards d'individus qui ont vécu. Il n'y a pas assez de place sur le plan planétaire pour les recevoir. Si on prend simplement 20 ou 30 milliards d'humains, c'est plus pesant que le poids de la planète elle-même, donc en partant, on ne peut déjà pas y arriver à ça. Alors, s'il y a réincarnation de ceux qui sont méritoires, fallait que Dieu y pense en maudit pour s'arranger pour que 99% des êtres humains ne soient pas méritoires. Oui, on ne l'est pas beaucoup. Parce que sinon, on va être méritoires, mais eux, c'est les autres. Oui. Donc, résurrection devient un problème mathématique. Évidemment, l'humain peut s'encarcaniser, se limiter dans certaines visions où il est dans la religion des élus. Les autres sont donc tous de la chair à enfer. Et dans sa religion d'élu, il est l'un des élus parmi les élus. Or, le reste de sa religion, c'est des imbéciles. Et de cette façon, il peut se dire, on sera quelques centaines de milliers, disons 144 000 personnes. Ouais. Mais concevons une société avec 144 000 individus, n'y a pas assez de cultivateurs, il n'y a pas faire qu'on se ramasse à l'époque de l'âge des cavernes. À moins que l'humain ait subi une évolution, une mutation, enfin une résurrection de conscience, en plus d'une résurrection du corps. Mais c'est ce que tu as déjà dit, qu'il y aurait 144 853 approximativement. Oui. Qui habiterait la planète dans un certain temps. Oui, parce, pourquoi? Parce que la réincarnation se fait pluralitairement, c'est-à-dire et fusionnellement. Cela veut dire qu'il y a des centaines, sinon des milliers d'entités réincarnationnelles, donc des êtres humains morts dans le passé, qui se réincarnent fusionnés dans un corps physique. Autrement dit, dans les 144 853 personnages qui, dans quelques années, vont vivre sur le plan planétaire, ce sera toute l'humanité qui sera inclue et réunie dans l'intérieur de ces personnages. Mais là, tu vas les retrouver où, là, tes cultivateurs, les plombiers, les... Il n'y aura pas de cultivateurs, parce que ce que je viens de te dire, c'est que si on parle de 144 000 élus, s'il y en a qui datent, qui ont vécu à l'époque des Romains, d'autres ont vécu à l'époque de Napoléon, d'autres vivent présentement parmi 144 000 élus, eh bien, si on se ressuscite les 144 000, ben, il y a le bonhomme avec sa massue, puis l'autre avec sa charrette. Quand il va me passer avec mon auto, on va avoir des problèmes sur la planète. Donc, il doit y avoir une résurrection de conscience en même temps. C'est-à-dire que l'humain doit parvenir à une conscience qui n'a jamais été connue à l'échelle planétaire. Et pour que cela se fasse, il faut qu'il se passe quelque chose. Ce n'est pas une résurrection unique comme ça des corps où, ben, où Jésus descend, où le Christ revient, et le Christ dit, bien voilà, mange du pain, mange du raisin, toi bois ceci. Une sainte vie plate. Il y aura fusionnement de tous les individus, comme ça se fait présentement, et nécessairement, la planète au complet, toutes les expériences astrales et mémorielles qui ont été vécues sur le plan planétaire seront résorbées et incluses dans les 144 853 corps physiques, qui, eux, auront une conscience supplémentaire, donc une conscience extraterrestre, et on ne cultivera plus, on n'élèvera plus. Enfin, la vie sera absolument différente, elle sera aussi différente qu'elle l'est présentement si on la compare à l'époque de l'homme des cavernes. Alors ici, il y a des avions, il y a de l'électricité, on peut téléphoner, on peut regarder des images de la télévision, on va même dans l'espace, on a vu des photos très, très, très propres d'Uranus et de Neptune. À l'époque de l'homme des cavernes, le soleil n'était même pas quelque chose de conscientisable. On ne pourra pas non plus conscientiser notre état d'être à ce moment-là, si on est, je ne sais pas combien de milliers dans le même corps. On ne pourra pas se rappeler d'avoir vécu et d'avoir vécu des expériences. Plus l'humain avance dans l'évolution, plus l'humain se réincarne et plus l'humain a une conscience mentale lui permettant de supporter de la conscience, plus l'humain découvre des mémoires de son historicité, donc de son passé. Cela dépend des corps physiques, cela dépend des corps astrales, donc de l'âme, cela dépend des temps. Dans quelques années, ce sera le temps pour que se réincarne énormément de personnages qui ont dominé, du point de vue hiérarchique, le passé. Et ces personnages ne se rappelleront pas avoir été un tel ou un tel ou un tel, mais en très bas âge, ils auront l'expérience d'un tel, un tel ou un tel. Maintenant, l'ego recherche toujours à savoir, pour pouvoir se recouvrir d'or, il s'adore lui-même, l'ego recherche toujours le nom de l'individu qui l'incarne. Si moi, je suis constitué de 60% des mémoires de l'amiral Nelson, de 40% des mémoires d'Henri IV, je ne dis pas que mon ego est 60% constitué de Nelson, mais 60% de ce qui constitue Nelson m'habite. Mais ce 60%-là peut aussi habiter un autre, comme il peut être divisé à travers 3 ou 4 000 individus. Le même 60% pour habiter deux personnes en même temps? Oui, pourquoi? Pour la simple raison que le 60% qui m'habite, c'est en gros ce que Nelson a été. Mais il y a des parties qui sont ce que Nelson a vécu, vu par d'autres. Il y a une partie de ce que Nelson a mémorisé chez lui. L'autre partie provient des annales akashiques, donc ce que la planète a mémorisé du passage de l'amiral Nelson, etc. Alors, s'il y a une partie du passé qui m'habite aussi, bon, je suis constitué astralement d'une panoplie, donc d'une pluralité de mémoire, et cette pluralité de mémoire fait en sorte que j'ai l'expérience que j'ai. Alors, je serai capable d'admirer le ciel et de trouver dans le ciel quelque chose de génial, parce que j'ai des mémoires de personnages qui ont expérimenté à travers le temps la mécanique céleste. Donc, ça peut être des astronomes, ça peut être des astrologues, ça peut être, bon, des philosophes. J'ai la capacité de dessiner immédiatement. Pourquoi? Parce que j'ai une possibilité astrale, donc réincarnationnelle, de contact avec le monde de la mort. Mais pourquoi j'ai cela? Simplement parce que mon corps physique est habilité à dessiner convenablement. Dans un corps physique, quand il demande de tourner à droite, il s'en va 3 pouces trop loin, il tremble tout le long s'en allant, il n'y a pas d'entité réincarnationnelle mémorielle d'artistes du passé qui viennent s'incarner chez toi. Alors, je suis constitué astralement de différentes choses qui me permettent d'accepter le neuf et qui me permettent de supporter un contact avec l'intelligence supramentale, c'est-à-dire un contact avec moi. Donc, mon ego, mon âme, l'âme, le virus qui habite le corps physique, que j'ai présentement est pluriconstitué. Il n'est plus pluriconstitué parce que dans mon cas, c'est fusionné, c'est-à-dire que toutes ces personnalités sont maintenant une seule chose qui s'appelle Daniel, et ce n'est plus le reste. Chaque fois qu'une personnalité descend et s'incarne, ça s'incarne 24 heures sur 24, je la digère. Donc, elle ne me digère pas, elle ne me possède pas, je la digère, ce qui fait que je la tue, et je transmute l'énergie de la réincarnation pour m'en servir comme carburant planétaire. J'ai accès à l'information. Je n'ai pas accès, une fois digéré, à l'émotivité qui a été enregistrée pendant l'enregistrement de l'information. Donc, je n'ai plus accès, une fois digéré, à l'émotivité qu'a vécu l'humain pendant qu'il a expérimenté des événements planétaires. Est-ce qu'on fonctionne pas tous de la même façon? C'est intéressant parce que tu as dit les deux réponses à ta question. Ouais. Est-ce qu'on fonctionne pas tous? Alors oui, on fonctionne tous et non, on ne fonctionne pas. Donc oui, on ne fonctionne pas tous. Ça dépend des personnes. L'individu de base peut digérer ses mémoires réincarnationnelles, sauf que bien souvent, ce qui va arriver, c'est qu'étant donné que l'être humain, à l'adolescence, n'est pas sevré du besoin émotif, l'émotivité sert à empêcher les différentes personnalités réincarnationnelles de se fusionner. À l'adolescence, l'enfant est relégué au fin fond. Toutes les mémoires réincarnationnelles de jeunesse sont reléguées au fin fond du corps physique. Et ce sont des mémoires d'adultes qui veulent posséder le corps physique parce que le corps physique est capable de sécrétion endocrinienne d'adultes. Donc, il est capable de jouissance sexuelle, il est capable de jouissance d'adultes. Il a aussi la jeunesse et là, du monde de la mort, se bousculent les mémoires d'adultes pour posséder le jeune. La guerre entre l'enfance et l'adulte qui s'incarne va être la crise de l'adolescence. Et par la suite, bien souvent, ce qui va arriver, c'est que l'enfant lui-même peut se fusionner. Et étant donné que ça se réincarne au fur et à mesure de l'expérience de l'individu, s'il commence à fumer pour être adulte, des mémoires de fumeur descendent. Il commence à boire pour être adulte, des mémoires d'alcoolique descendent. Il y a des alcooliques qui fumaient. À un moment donné, à cause de la société, il apprend ce que c'est la télévision, il apprend un paquet d'autres choses, donc un paquet de mémoires qui vont descendre. Et bien souvent, l'être humain, considérant qu'il est intimement ce que son corps exprime, ne conscientise pas la mécanique réincarnationnelle, ce qui fait qu'un être humain totalement calme, subitement devient extrêmement agressif, il devient colérique, il est jaloux, il n'est plus jaloux, il s'ennuie, il est plein d'énergie, il est motivé, il est à fleur. Ce sont tous des parties différentes de l'ego qui, de temps en temps, ont accès à l'exprimeur, donc aux voies chérubiniques du corps vital de l'humain, donc aux voies endocriniennes et aux voies neuroniques. Mais l'individu, s'il est un être humain a suffisamment de mental, il aura la faculté d'observer qu'à un moment donné, il est en colère, là, qu'il crie, qu'il déchire son linge parce que son linge ne lui fait plus. Le petit maudit bouton que tu n'arrives pas à défaire, tu l'arraches à un moment donné, ça y apprendra. Le bouton est sans balance, c'est de la matière. N'empêche, ça y apprendra. Et par la suite, bien, tu te dis, c'est vraiment imbécile, c'est idiot, c'est l'autre, une autre personnalité réincarnationnelle qui maintenant arrive à la place d'expression et qui constate l'événement. Puis qui ne comprend pas pourquoi il a fait ça. Mais ces il ne l'a pas fait non plus. Ces personnalités-là ne se mélangent pas justement pour former un. Ou s'ils sont toujours à la surface. Donc elles se mélangent l'une l'autre pour commencer. Elles s'embêtent les unes les autres, elles se mélangent les unes les autres, créant l'ignorance dans la conscience astrale de l'humain. Et normalement, elles devraient se fusionner. Se fusionnant, l'humain devient plus stable psychologiquement. C'est-à-dire que l'humain, s'il est colérique, il est toujours colérique. Mais normalement, une fusion de personnalités réincarnationnelles va engendrer un humain qui sera plus puissant, plus contrôleur et qui ne sera pas soumis à des accès. Donc, des accès de fureur, des accès d'ennui, de ceci ou de cela. Ça, c'est une chose qui peut arriver, qui devrait arriver. Pour que cela se fasse, il faut que le mental de l'humain soit suffisamment développé pour que l'humain puisse considérer que lui et ce qu'il exprime, c'est deux choses. Mais comment la... Comme là, je bois présentement. Ce n'est pas moi qui bois. C'est mon corps qui a soif. Moi, j'ai pas soif. C'est beau volet. Non, le corps boit. Et je le laisse boire, évidemment, pendant qu'il boit, j'arrête de parler, parce que... La réincarnation, comment peut-elle être déphasée si c'est un par un qui rentre 24 heures sur 24? Ben voilà, on dit, vous êtes-vous réincarné avant le temps ou après le temps? C'est à qui on s'adresse, qui est l'imbécile qui a trouvé... Vous êtes-vous réincarné avant le temps? Qui s'est réincarné? Un des 100 millions ou des je sais pas combien? Millions, je sais pas combien. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui sont incarnés dans le même individu, dans le même corps. À un moment donné, dans un PMC+, j'ai amené une technique qui permet à un individu de pouvoir faire sa tarte, hein, c'était comme une forme de tarte, sa carte réincarnationnelle et ça lui permettait d'avoir une bonne idée comment retrouver les pays où il a vécu, comment reconnaître les temps historiques où il a vécu. Et on a des individus qui avaient une tarte qui contenait des centaines de parties. Donc, effectivement, leur ego était constitué de centaines et de centaines de réincarnations. La problématique que l'humain ne sait pas ou sait mal, ben, il sait, c'est, je l'ai déjà dit à un moment donné, donc il y en a qui le savent, mais ce n'est pas connu, c'est qu'on ne réincarne pas uniquement que des choses du passé, on réincarne des choses du présent et on réincarne des personnalités de l'avenir. C'est celle-là qui se réincarne avant le temps? Est-ce qu'on se réincarne avant son temps? Un ego bâtard va dire sur quelle maudite planète je suis. Bon. Un ego bâtard, je ne parle pas du mental, l'humain n'est pas bâtard, mais l'ego lui-même, l'ego que tu vois en train de gueuler, l'ego souvent se pose la question. Avec les idées que j'ai ou les besoins que j'ai, les désirs que j'ai, l'évolution technologique ou l'évolution sociale planétaire, on est dans un monde extrêmement archaïque. On est au Moyen Âge. De ce fait, l'individu peut se poser la question, suis-je né avant mon temps? Mais en même temps, êtes-vous né avant votre temps? Êtes-vous encore colérique? Cette partie est peut-être née dans un avenir où elle n'aurait pas à être. Les personnalités réincarnationnelles colériques, ou les parties, par exemple, qui sont toujours en train de chialer, de parler contre d'autres personnes, même de parler contre celles qu'ils aiment, ou de parler contre des autorités qu'ils écoutent, uniquement pour pouvoir se ressentir un petit peu solide, se retrouver eux-mêmes, ne se sont pas réincarnés avant leur temps, ils se sont réincarnés trop tard. Comment trop tard? Ils auraient dû s'incarner il y a 2-3 000 ans. La majorité des personnalités qui chialent chez vous, qui sont inquiètes, qui s'ennuient, sont des personnalités qui ne devraient pas être exprimées dans cette époque, fin du 20e siècle. Les parties sidatisantes, les sinistres individus dominés par l'astral, ceux qui sont toujours en train de placoter dans le dos de d'autres, on ne devrait pas, dans une société comme la nôtre, connaître ce genre d'incarnation. Mais la problématique, c'est que la majorité des êtres humains qui se verraient bien dans une société de l'an 3000, dans une société plus propre, ce sont des individus qui chiolent encore quand il pleut. Ce sont des individus qui ont des égos qui s'adressent encore à des dieux de la pluie. C'est qu'on est soit en retard ou en avance, mais on n'est jamais à son temps, d'après ce que tu dis. Comment pouvons-nous nous incarner dans notre temps? Pense-y comme il faut. La réincarnation, qu'est-ce que c'est? Est-ce que Ben-Hur, disons, s'il aurait existé, qui s'incarne actuellement, est dans son temps? Mais il cherche sa charrette, il adore les chevaux, puis il aime ça faire des courses. Bon, mais est-ce qu'il est dans son temps? Ben non, il s'incarne dans un mauvais temps, c'est-à-dire qu'il s'incarne dans l'avenir pour lui. Qui peut s'incarner dans notre temps? Toi. Bonne question. Voilà. Tout ce que tu vis actuellement s'incarne dans son temps. Et que tu... Recommence-moi ça. Tu crées la réincarnation... L'expérience de la conférence de ce soir s'incarne chez vous, et on peut dire elle s'incarne dans son temps. Donc, vous vivez de l'expérience. Bon, alors cette expérience, elle est enregistrée dans le monde de la mort, elle est enregistrée dans l'ego. Mais ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une incarnation de l'expérience dans l'homme. C'est-à-dire que l'expérience, présentement, prend corps physique. Est-ce que l'expérience est une incarnation? L'expérience est une incarnation lorsqu'elle est incarnée. Comment peut-elle ne pas être incarnée? Tant que l'humain ne l'a pas gobé. Tant que l'humain ne l'a pas vécu. Tant que l'expérience n'a pas été expérimentée par un ego. Mais l'expérience, est-ce qu'elle vient du monde de la mort? Est-ce qu'elle vient de quelqu'un de décédé? Non. L'expérience, non. Je demande à certaines neurones de travailler un petit peu. Là. C'est pourtant évident. Enfin, il y a les réincarnations. Bon, premièrement, qu'est-ce qui se réincarne? Qu'est-ce qui constitue l'ego? C'est uniquement de la mémoire d'expérience. Elle peut être déphasée d'un 10 000 000ème de seconde sur l'instantané. Ça reste de l'expérience. Je prends de l'eau, je lève le verre, je repose le verre. Il y a eu une expérience. Cette expérience, elle existe. Je vais relever le verre, le vois-tu? Oui. Bon, je le relève, je le rebaisse. Sauf que tant que l'humain n'a pas gobé l'expérience a été existante, mais pas incarnée. Maintenant que je le lève une troisième fois, Les égaux et les corps physiques ont ramassé l'événement et ils l'ont en mémoire. C'est incarné. Pendant 50 ans, nous allons donc réincarner et incarner de l'expérience, de la mémoire. Est-ce que c'est de la mémoire ou de la compréhension? C'est de la mémoire. Compréhension, ça ne s'incarne pas. Ben, tu peux juste l'avoir retenu visuellement. Ça ne veut pas dire que tu peux avoir rien compris à ce que tu as entendu, mais tu l'as entendu, c'est incarné. Oui. Par contre, bien souvent, ce que tu comprends, c'est l'explication. Autrement dit, on te donne, tu ne comprends pas. Mais vu que tout est tellement structuré ou déstructuré, dans ta mémoire, tu peux travailler avec, tu as besoin de la compréhension. La vraie compréhension provient d'un éclatement dans la conscience, c'est un phénomène mental, ce n'est pas de l'incarnation. Mais ce phénomène mental s'incarnera dans la conscience de l'ego, c'est-à-dire que l'ego expérimentant la conscience du mental pense que c'est lui aussi qui l'a trouvé. Donc, il y a chez vous 30 millions de personnalités réincarnationnelles qui ne sont pas de votre temps, qui proviennent du passé et qui vous nuisent en maudit, mais qui en même temps vous permettent d'être humain, d'être restrifié, d'être planétarisable. En même temps, il y a quelques centaines, sinon quelques milliers dans certains cas, de personnalités réincarnationnelles qui proviennent de l'avenir. Dans l'avenir, les personnalités ont quasiment tous la même vision du monde. Dans l'avenir, l'humain perd sa structure émotive. Dans l'avenir, l'humain, donc, ne fait plus la guerre. L'humain ne chiale plus. L'humain ne gueule plus. L'humain n'est plus jaloux. L'humain n'est plus en colère. L'humain n'est plus en extase. L'humain n'est plus compatissant. L'humain n'est plus désirant. L'humain est plus stable. Nécessairement, si j'ai 25 000 réincarnations de l'avenir, j'en vois une ou deux. Ils sont tellement pareils. Ils fusionnent immédiatement, puis j'ai aucun problème. Sauf que ces personnalités amènent chez moi de l'expérience qui n'est pas en vibration avec l'immédiat. Comment fais-tu pour te réincarner quand tu es dans le passé? Comment aujourd'hui je pourrais me réincarner au temps de Bénur? Tu ne peux pas te réincarner au temps de Bénur, mais Bénur peut s'incarner dans ton temps. Mais là, tu dis de réincarnation du futur, aujourd'hui. Donc, c'est l'équivalent. Si moi, je me réincarnais dans le temps de Bénur... Ce n'est pas l'équivalent. Non, c'est quoi? Ce n'est pas l'équivalent. Pourquoi? Parce que nous parlons de l'actualité, du présent. Nous parlons, disons, de toi ou de tout le monde. Donc, toi, tu ne te réincarneras pas dans l'avenir, dans le passé. Ni d'ailleurs dans l'avenir. Pas toi, pas comme tu es là. Non, mais en général... Tu es trop structuré pour retourner dans le passé, puis il n'y a personne qui veut toi dans l'avenir. C'est encourageant. Pas une question d'encouragement. Ceux qui sont de notre avenir actuel, qui se réincarnent dans nos corps physiques aujourd'hui, eux, comment font-ils se réincarner dans leur passé? C'est leur passé, c'est notre futur. C'est que ceux qui ont vécu dans l'avenir, on joue sur des trames intéressantes, c'est que ceux qui vivent présentement dans l'avenir sont tributaires d'un choix d'humanité. Ils sont, d'ailleurs, ceux qui ont vécu dans le passé, c'est la même chose. Qu'est-ce qui manipule l'humain? Son expérience. 60 à 80% de l'histoire humaine est une histoire inventée par l'avenir. Ça n'a jamais existé. C'est dans nos livres d'histoire. Mais ça n'a jamais existé. La majorité de l'histoire de l'homme n'a jamais existé. La problématique, c'est que la conscience de l'homme, le gobeur d'expérience, est présentement rendu à un niveau qui s'appelle 20e siècle. Dans Bénur et dans le passé, il n'y a plus de conscience. Cette conscience, elle est là. Donc, ces mémoires viennent là. Tu ne peux pas te réincarner dans le passé. Premièrement. Deuxièmement, l'avenir est tributaire de ce que nous faisons. Il y a donc des futurs possibles. Et chacun de ces futurs possibles, des millions de milliards, sont habités par de l'expérience humaine, par des corps, de la structure de la matière, des contacts extraterrestres, des contacts intraterrestres, des guerres nucléaires, des paix, des hors-contacts, des voyages séraphiques, bon, plusieurs choses. Sauf que tout cet avenir en éventail peut... C'est-à-dire que présentement, nous approchons d'un nœud. Nous approchons d'un nœud historique, c'est-à-dire d'un nœud évolutif, où la conscience, ce qui, chez l'homme, actuellement conscientise l'événement et qui n'existe pas dans l'avenir, qui n'existe pas dans le passé, qui n'existe que présentement. Et c'est ça qui chemine sur la corde qu'on appelle l'histoire et il bouffe en même temps la corde. Et ici, il y a plusieurs cordes. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que, pour suivre ce que je vous dis, on ne doit pas uniquement se référer à une vision quadridimensionnelle de l'univers. Il n'y a pas la hauteur, la largeur, la profondeur et le temps. D'autres dimensions. Il y en a 11 plus ou moins connues, il y en a 13 dans la réalité cosmique. On en connaît 4 qui sont une concentration de 13 dimensions. Mais il y a énormément de choses que l'on doit savoir, c'est que tous les futurs possibles existent. Mais quand l'humain fait un choix dans une trame, disons dans une branche, tous les autres n'ont jamais existé. Et comme l'humain n'a pas de libre arbitre, comme l'humain n'a pas de libre arbitre, et que dans l'actuelle évolution de l'humanité, il y a l'intervention de l'intelligence, qui n'est pas prévisible par le phénomène astral, l'humain lui-même va donc, dans cette jonction entre l'intelligence et le phénomène planétaire, cela va permettre d'engendrer ce que l'on peut appeler une prise de décision, c'est-à-dire que cela engendre une mécanique qui est prévue dans les milliards de futurs possibles, qui n'est pas certifié dans le déplacement, c'est-à-dire que l'intelligence supramentale, qui est le plus bas des paliers vibratoires des phénomènes extraterrestres, ne connaît pas la résultante planétaire d'un contact entre elle-même et de l'expérience mémorielle astrale planétaire. Ce que ça va donner, c'est prévu, c'est-à-dire qu'il y a 20 000 chemins à Montréal pour sortir de la ville, mais lequel tu vas prendre, on ne le sait pas. Au niveau de la mécanique astrale, c'est totalement prévu ce que tu vas faire. On sait quel chemin tu vas prendre. Mais on ne peut pas prévoir l'intervention de l'intelligence. Quand l'intelligence vient te chercher, elle fait virer ton automobile et tu prends un autre chemin. Et ça, l'astral ne l'avait pas prévu. Maintenant que tu as viré, l'astral s'arrange pour codifier immédiatement ta manipulation et elle sait ce qui va se faire. Et l'astral sait qu'on va... pense savoir dans quelle direction on va aller. Le supramental sait qu'on va sortir de l'île de Montréal, mais c'est pas par où. Comment? C'est ça. Et l'astral, sachant par où tu vas aller, souvent, elle se fait totalement leurrer, donc elle se trompe. Chaque fois qu'il y a une intervention de l'intelligence, l'astral te perd, tu lui échappes. Nous approchons d'un nœud où des humains vont faire le choix de l'homme nouveau et des humains vont faire le choix de l'homme ancien. Il y a des humains qui vont faire le choix du cycle réincarnationnel où la roue va continuer. Et ça va se répéter, comme si c'était toujours répété. Et il y a des humains qui vont faire le choix de l'homme nouveau, un choix où ces êtres humains-là seront obligés de disparaître de la surface d'une planète. Mais parce que ces humains vont faire ce choix, le reste de l'humanité va aussi disparaître de la surface de la Terre. Comment ça? Ils vont faire sur la Terre? Comme ça. Pourquoi les deux disparaissent? S'il y en a un, ça sera assez. Oui, mais il n'y en a qu'un qui disparaît, bien que les deux disparaissent. Ben, les deux disparaissent réciproquement. Les deux se voient plus parce qu'il y en a un qui est parti. Exact. Il y en a juste un qui part. C'est bon. OK. Voilà. Avez-vous compris? Bien compris. Vous aviez bien compris, enfin, dites oui. Ils s'en vont où, ceux qui s'en vont? Bon, j'expliquais à un moment donné que Adolf Hitler avait fait le choix du nazisme. Lorsqu'Adolf Hitler perd la guerre par intervention d'intelligence supramentale aux États-Unis, Adolf Hitler n'a plus le choix, c'est que tout le monde qui maintenant est là est un monde où Adolf Hitler n'existe pas et n'a jamais existé. Lui a fait le choix d'une partie de la branche qui était naziste. Nécessairement, Adolf Hitler se tue et nécessairement, Adolf Hitler est dilué à travers la planète. Adolf Hitler n'existe plus. Nous pouvons dire qu'Adolf Hitler n'a jamais existé. Certains vont prétendre qu'il a existé, mais je peux leur demander de me le prouver. Ils ne pourront pas. Bon. Ils ont montré des photos. Ils me prouvent qu'une photo existe, mais ils ne me prouvent pas qu'Adolf Hitler existait. La problématique pour que l'humain comprenne cette mécanique, c'est qu'on doit savoir une chose. C'est que dans l'avenir, il y a un stress d'avenir. Dans le passé, il n'y a pas de stress du passé. Dans l'avenir, il y a un immense éventail de stress de l'avenir. Et dans cet éventail de stress de l'avenir, il y a énormément d'énergie qui tente à s'incarner dans l'homme, donc dans vous. Cette énergie qui s'incarne, colorée avec l'énergie du passé mal éduquée, les gueulards, les chialeurs, etc. Ce contact fait qu'on égoïse l'avenir et ça nous permet de nous frustrer de l'actuel présent. Mais pire, ce qui, dans l'avenir, descend chez nous, va engendrer en arrière de nous une grande partie de la mécanique réincarnationnelle. Autrement dit, moi, si je suis de l'avenir et que je décide de posséder ton corps, c'est-à-dire que je veux vivre dans un corps, si tu prends un mauvais choix, de mon point de vue, je disparaîtrai et je n'aurai jamais existé. Pour cela, je dois donc m'arranger, et comme le temps est une illusion humaine, l'avenir, le passé, ça existe dans la même trame, pour que tu te déplaces vers moi, ce qu'on appelle l'avenir, c'est l'endroit où tu n'es pas encore. Mais c'est existentiel en même temps que l'endroit où tu es. Il n'y a pas de déplacement réel dans le temps, du moins pas comme on pourrait le considérer en termes de voyage dans le temps avec une machine. Parce que moi, j'ai besoin de ton corps pour certifier mon existence et je dois m'incarner réellement de façon à avoir vécu. Je vis ce stress. Alors, je vais créer dans l'actuel présent, que tu appelles l'avenir, des mécaniques qui vont venir s'incarner, donc des réincarnations de l'avenir, qui vont venir colorer la vision de l'ego et qui, en même temps, vont venir travailler sa mémoire génétique, sa mémoire réincarnationnelle plutôt. Donc, je vais venir démolir chez vous des choses que vous avez déjà vécues. Si, par exemple, une personne ici, la réincarnation de Nefertiti, mais que la réincarnation de Nefertiti risque d'engendrer une programmation astrale qui va faire que la personne voudra devenir aristocrate à un moment donné et prendra peut-être le choix de l'homme nouveau et que moi, je suis dans le choix de l'homme ancien, je vais m'arranger pour venir triturer la mécanique réincarnationnelle mémorielle de l'individu de façon à ce que celle-ci a été la réincarnation, disons, de Nefertiti, qui a été violée 40 fois, qui n'a jamais été aristocrate, etc. Et je vais m'arranger pour que toutes les personnes qui réincarnent Nefertiti vivent la même chose. Mais comment peux-tu faire ça? Je ne suis pas convaincu que tu peux comprendre. Je peux poser la question. Oui. Bon. De quelle façon ça se fait, c'est assez simple. Je transforme toute la structure historique du passé et je m'arrange pour engendrer vitalement, pour terrestrifier, donc pour matérialiser, des mécaniques qui vont permettre à des individus que je manipulerai, des archéologues entre autres, de découvrir de l'histoire qui va permettre de confirmer que Nefertiti a été violée 40 fois, qu'elle n'était pas aristocrate et patati patata. Cela fait quoi? Cela détruit, instruit plus puissamment la mémoire que nous avons, qui nous habite très faiblement de Nefertiti, et change la conscience réincarnationnelle du passé de Nefertiti. Qu'est-ce que cela fait? Cela fait que vous étiez dans une trame comme ceci pour aller vers le choix aristocrate, et à un moment donné, votre réincarnation vous place dans cette trame-ci maintenant qui va vous amener vers la décadence. La majorité des structures réincarnationnelles du passé sont illusoirement créées par un avenir qui tient avec une paille à nous aspirer. C'est pourquoi l'humain va vers l'avenir et l'humain va dire c'est l'expérience et le passé qui va déterminer ce que nous deviendrons. Mais il ne pense pas, si bien dire. L'avenir tient à posséder notre conscience, notre corps plutôt, pour s'incarner globalement dedans, c'est-à-dire qu'il y a une société où il y a de l'expérience, comme le verre qui n'est pas encore levé, mais qui dans une trame quelconque est élevée et rabaissée. Maintenant, je viens de traverser la trame en question, donc on l'a vu. Il y a un avenir, il y a plusieurs avenirs, qui eux ont besoin d'être incarnés solidement. Alors, ils peuvent manipuler certains individus. Elles peuvent s'incarner très faiblement, mais la société d'un avenir ne s'incarne pas dans un individu. Donc, certaines bribes de la société, de ces mécaniques de l'avenir, vont travailler l'astral actuel pour transformer ce que l'humain pense qu'il est. Lorsqu'à un moment donné, vous découvrez que votre guerrière arrière-grand-père était l'un des plus grands tueurs, que c'était Jack l'Éventreur, pour beaucoup d'individus, ça va changer leur vision d'eux-mêmes. Bon. Mais le grand-père n'a peut-être jamais rien été. Parce que finalement, il n'y a jamais eu de grand-père. Il s'est peut-être jamais réincarné non plus, là son petit-fils. De toute façon, il n'a jamais eu de grand-père. Le passé n'a jamais existé, c'est une illusion de l'humain. L'humain a besoin de cela pour pouvoir solidifier la conscience du vécu. Bon, Mais s'il n'y avait pas eu d'histoire, il n'y aurait pas de monuments qui datent de 500 ans, il n'y aurait pas de Mais les monuments ne datent pas de 500 ans. Ben, les pyramides en Égypte, ça date de je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas calculer. Mais justement, tu ne le sais pas, ça ne vaut pas la peine de mettre de date, ça date de maintenant. Ben, il était là hier, il était là avant-hier, il était là il y a un mois, il était là il y a deux ans. Il n'était pas là hier, il n'était pas là il y a deux ans, il n'était pas là, etc. Il était où? Ben, ils sont là aujourd'hui. Ils n'existaient pas avant. Ben, il était là, il était dans des encyclopédies, il était physiquement là, il était... Non, ils sont dans les encyclopédies d'aujourd'hui. Les encyclopédies d'hier aussi. Prouve-moi là. Hier, je l'ai lu. Pour moi, c'est une preuve, ça n'est pas une pour toi, oui, mais une pour moi. Ce que je te dis, tu as besoin de cette illusion pour structurer l'impression du vécu. Mais peux-tu toucher à ça? À part l'avoir dans l'illusion du vécu. Ben non, moi, je peux pas toucher non plus au fait que la réincarnation existe ou existe pas. Exact. Il faut qu'à un moment donné, tu décides de prendre certaines choses puis de dire, bon, ben ça, OK, j'y crois, j'embarque là-dedans. Oui. J'embarque dans le fait qu'il y a déjà eu des pyramides avant aujourd'hui. Exact. Donc, j'ai pas besoin d'y toucher pour le convaincre. Non, comme tu embarques dans le fait aussi que tu as déjà marché sur les eaux, il y a deux jours. Ben non, je m'en rappelle pas. Le critère de la réalité est uniquement ce que tu te rappelles puis ce que tu te rappelles pas. De ma réalité, oui. Oui. Mais cette réalité-là, qu'est-ce qu'elle vaut? Même pour toi. C'est justement elle qui va décider que, oui, mais là, je ne suis pas pour aller voir un tel. La dernière fois, j'ai craché en pleine face. Là, je ne suis pas pour aller le voir. Justement, tout ton avenir est altéré par quelque chose que tu considères comme ayant été la réalité. Et ce phénomène-là n'a jamais existé. C'est-à-dire, oui, mais le mec s'en rappelle. C'est évident que s'en rappelle. Ça ne peut plus exister pour autant. On descend de la mémoire chez toi pour t'obliger à vivre un avenir totalement différent. Ben c'est quoi exister? Exister. Exister, c'est simplement le... Il y a deux définitions. La première est une que l'ego ne peut pas comprendre. La deuxième est celle que l'ego veut. Ben, donne-nous celle qu'on ne peut pas comprendre. Celle qu'on ne peut pas comprendre, exister, c'est simplement être dans un moment instantané. Dans un moment instantané, ça veut dire, exister veut simplement dire ne pas être capable d'expérimenter. L'existence réelle n'est pas expérientielle. Exister veut dire être désassujetti du temps et de l'espace. J'existe. Mais exister pour l'ego veut dire avoir une histoire. Par exemple, quel diplôme avez-vous? Où êtes-vous né? À quelle école avez-vous été? Quand vous êtes-il arrivé? Quelle est cette cicatrice? Cette cicatrice-là, elle a une naissance. Mais elle peut être aussi une cicatrice de la guerre. Elle peut être aussi... C'est simplement des vestiges pour confirmer que vous êtes là en tant qu'ego. Parce que pour être là en tant qu'ego, tu dois avoir été là. Okay. Comment peux-tu avoir être là en tant qu'ego si tu n'as jamais été là? Mais il n'y a pas eu de passé, donc il n'y a pas de réincarnation non plus. Du passé. Quand on parle de réincarnation, on parle en fonction de l'historicité du passé. Si on veut s'ajuster, autrement dit, si on veut changer de point de vue, si on veut évoluer notre vision, eh bien, on prend le temps comme étant un phénomène instantané. Je l'ai souvent dit, je regarde l'heure présentement. Bon, il était l'heure. Mais tout à l'heure, il était 5 minutes de moins. Prouvez-le. Non, mais on ne peut pas. Justement, c'est dans la vision de ton astral où tu vas dire, oui, mais regarde, je regarde les secondes avancées. Non. Tu chemines dans le présent. Et tu regardes 20h08, tu tournes ta tête, tu regardes 20h09, 20h10, 20h11, 20h08 existe toujours. Mais là, tu vas dire 20h08, c'est le passé. Ce n'est pas le passé, c'est le présent que tu ne regardes plus. Et là, l'humain va dire, oui, mais si je peux regarder là et après là, il y a eu un déplacement quelque part. Il y a eu un déplacement dans la matière. Il n'y a pas eu de déplacement dans le temps. Parce que l'individu, lui, structure sa conscience en fonction d'une démarche de conscientisation, c'est-à-dire qu'étant donné que l'individu n'est pas capable d'englober dans sa conscience l'étendue complète donc de l'univers, parce que l'individu dans son ego n'a pas une conscience absolue, il engendre le temps qui lui permet d'avoir un simulacre de conscience absolue qui lui fait dire « Je me rappelle d'avoir été là, mais là je suis ici » parce qu'il ne peut pas être aux deux endroits en même temps. Je veux dire qu'autrement dit, il y a on est en même temps, le 1er, le 2, le 3, le 4 juillet, le 5, le 6, oui, de toutes les années, de toutes les époques, puis à toutes les heures. J'ai tout compris. Puis on peut regarder dans un endroit, puis là, on regarde tout. Là, tout le monde qui est ici, ce soir, on regarde tout dans la même fente. Absolument pas. Non? Ah non, tout le monde regarde une fente différente. On est tous en même heure. J'ai pas de monde. Oui, voilà. T'as pas de monde, puis on peut tous s'assiner pour savoir c'est qui a l'heure. Moi, Radio-Canada m'appelle tous les matins pour que je donne l'heure. Bon, ça vous intéresse. Ça doit, oui. En plus, chaque être humain a un point de vue différent, chaque être humain a un système oculaire différent, chaque être humain a un système nerveux différent, un ego différent, un astral différent. Puis tu dis que tout le monde regarde par la même fente. Parce qu'on doit défendre proche, là, on est tous... Mais tous ceux qui entendent simultanément la cloche de l'église Notre-Dame à midi, le jeudi 4 avril, on sait tous qu'on est jeudi 4 avril le midi. Bon, il y en a qui savent même pas qu'on est jeudi, il y en a qui savent pas c'est le 4 avril, il y en a qui oublient c'est quelle année. Mais c'est pas ça qui est le problème. C'est qu'en plus, chacun ne l'entend pas en même temps. Les gens ne regardent pas par la même sorte. Chaque ego perçoit différemment. Il y en a un qui dit quoi déjà, l'autre qui dit, tiens, ah, ça fait longtemps que j'ai pas entendu. Bon, tout est totalement différent. Ils doivent dire, oui, mais mathématiquement, mécaniquement, si nous regardons tous le même horloge en même temps, même si nous avons des points de vue différents, nous allons quand même tous dire en même temps à l'unisson, il est 22h05. D'accord avec ça? Oui, oui, tu m'enlèves les mots de la bouche. Voilà. Ôte les miens maintenant. Non. Non? Non, t'as compris. Mais c'est encore juste de l'illusion. C'est parce que nous avons codifié l'illusion. C'est parce que nous nous sommes entendus pour ne pas paraître imbéciles. Alors, nous avons inventé des mécaniques qui ne vont pas à la même vitesse. Oui, même si je me forçais pour dire qu'il est 22h07, si c'est marqué 22h05, oui. Je vais dire 22h05. Si c'est ça uniquement parce que présentement, la matière que tu vois, c'est 22h05. Mais ça ne prouve pas qu'il a été 22h04. Ça ne prouve pas qu'il va être 22h06 une minute plus tard exact. Non plus. Puis quand on dit, tiens, il est 22h06, prouve-moi qu'il était 22h05. Tu peux pas. Et pourquoi on ne peut pas? Simplement parce que l'humain est dans un engrenage toupie qui lui fait voir une partie à la fois de la création, et l'humain reste dans l'instantané. Il n'y a pas de présent immédiat. Il n'y en a pas. Si vous vous efforcez neuroniquement, donc si vous êtes capable d'avoir un cheminement cérébral suffisamment rapide, pour essayer, les yeux fermés ou les yeux ouverts, le nez bloqué ou pas, de saisir l'instant présent. Vous n'y arriverez jamais. Il n'existe pas. Il n'existera que dans votre mémoire. Et parce que l'être humain étant astralement convaincu qu'il existe uniquement parce qu'il a existé, pour lui, c'est la preuve que le passé existe. C'est comme tu dis dans d'autres conférences que l'œil sait qu'il existe parce qu'il s'est vu. Mais l'œil ne se voit pas lui-même. Sauf ce qu'il voit, c'est même pas lui, tout est à l'envers. Mais c'est le même état de conscience. Si on n'est pas capable de c'est se rappeler... C'est pire, mais si on peut faire un parallèle. Un parallèle, si on ne peut pas se rappeler qu'on a vécu, on ne sait pas qu'on existe actuellement. Mm-hmm. C'est pourquoi l'humain... Mais si on se faisait déconnecter dans le cerveau, dans une place qui est de la mémoire, si tu coupais ça... Si tu n'as pas là, contact avec de l'intelligence instantanée, tu ne deviens pas un légume. Le légume vit dans le temps. Si tu n'as pas de contact avec l'intelligence instantanée, tu n'es plus rien. Pour les autres, tu seras quelqu'un qui sera suspect. Mais toi, pour toi, tu n'es plus rien. Parce que tu ne sais même pas que tu as soif. Au fur et à mesure que c'est enregistré, c'est oublié. Alors, ce n'est pas soif. Mais si tu ne sais pas que tu as soif, tu vas crever de soif. Oui. Mais tu n'auras jamais vécu. Ce que je veux dire, c'est que de n'être pas attaché à de la mémoire de quelque façon que ce soit, à un moment donné, c'est invivable. C'est comme de dire, par exemple, quand tu as ton automobile, de dire, oui, mais ne pas avoir de cheval pour la traîner, c'est totalement invivable. Oui, c'est du pétrole qui va dedans. Bon, c'est évident que tant que tu ne veux fonctionner avec la mémoire et que tu ne fonctionnes pas avec l'intelligence instantanée, avec la réalité, mais pour cela, nécessairement, il faut que l'humain s'ouvre vers quelque chose de neuf. Tant que l'humain regarde la mémoire, il n'y a rien à faire. Mais quand tu embarques dans ton auto, il faut que tu te rappelles la clé, elle va où? Autant que possible. Pourquoi? Pour la placer dans l'interrupteur si tu veux démarrer. Quelle illusion! Tu vas pas le réapprendre à toutes les fois, c'est niaiseux de le réapprendre à toutes les fois. Est-ce qu'il faut que tu te rappelles... Tu lèves tes bras, tu gesticules présentement pour me prouver, et tu ne te rappelles même pas comment fait fonctionner tes muscles. Un par un, non. Même pas en groupe. Qu'est-ce qui est important? Te rappeler où mettre la clé ou mettre la clé à bonne place? Mettre la clé à bonne place. Pourquoi alors devoir te rappeler où la mettre? Ben si à chaque fois, il faut que tu réapprennes. Est-ce que tu réapprends à chaque fois? Est-ce que c'est toujours une nouvelle expérience? Pourquoi réapprendre? T'apprends quand jamais. Tu marches sur la rue, as-tu appris tout comme il faut par cœur avant où mettre les pieds? Non. Bon, est-ce que tu dois réapprendre chaque fois où mettre les pieds? Non. Non plus. Tu marches. T'apprends ou pas les mettre, mais t'apprends pas où les mettre. Même pas. À ça, tu l'apprends. Si tu l'apprends pas, non. Tu vas passer c'est dans parce que tu as appris où mettre les pieds que tu les mets sur des clous. Et par la suite, dans ton expérience qui te fait dire que quand tu marches, il n'y a pas de danger, maintenant, faut que tu rajoutes quand tu marches pour avoir du danger. C'est parce que tu apprends. Sinon, il n'y a aucun problème. Si tu n'avais pas appris à marcher, tu ne marcherais pas sur des clous ou d'un trou d'eau. Tu marcherais, mais tu n'aurais pas appris à marcher. Sauf que, on peut prendre l'exemple de l'enfant qui vient au monde. L'enfant qui vient au monde n'a pas de contact supplémentaire, puis il est investi de mémoire, donc nécessairement, il faudra qu'il apprenne. L'enfant qui vient au monde, il regarde dans sa mémoire, puis il se dit, c'est quoi ça, je sais pas. Ah, ça fait du bruit quand je tape dessus, du tout. Là, il vient de l'apprendre. L'enfant qui vient au monde, même l'adulte, finalement, qui ne se fie qu'à sa mémoire, tout ce qui n'est pas dedans, ben, c'est pas dedans. Il peut pas rien faire avec. Moi, je prends un dictionnaire avec 22 mots. Puis je parle avec ça, ben, nécessairement, je parle avec ça. Mais s'il y a un dictionnaire à côté de 45 milliards de mots, qui est très informatisé, puis en plus de moindrement que j'ai une vibration de pensée, il me sort les mots pour les dire, alors je deviens plus efficace. Mais si encore on parle de mémoire, le phénomène instantané, c'est instantané. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu embarques dans ton automobile, du moins dans une automobile, parce que rendu à ce niveau-là, c'est pas ton automobile, quand ton corps physique se place dans une automobile, pour engendrer l'illusion d'un déplacement spatio-temporel, eh bien, il sait où mettre la clé. Pourquoi? Parce que c'est stupide de mettre la clé dans le cendrier. Mais l'humain ne peut pas comprendre cela, parce que l'humain est investi de mémoire, de réincarnation, de l'avenir, de l'instant et du près et du passé. Les mémoires du passé te nuisent en ce sens que ce sont des mémoires qui ne sont pas, qui n'ont pas été suffisamment intelligencées. Ce sont des mémoires brutes. Ce sont des mémoires de volcan. Quand on te plie sur le pied, tu craches. Bon, ce sont des mémoires réellement réactionnaires. Les mémoires de l'instantané, les mémoires de l'événement actuel, où elles sont dangereuses, c'est qu'elles t'empêchent de voir l'instantané parce que tu ne le vois qu'après l'avoir expérimenté et là, tu en conclus que tu as vécu les 20 ou les 30 ou les 50 années, que tu as une mémoire plus propre, plus proche. Et les mémoires de l'avenir, la problématique, c'est qu'ils viennent altérer. Je dis et je répète qu'on peut se choisir un nouveau passé si on veut. Et on doit faire ça. Quand je dis que vous pouvez, par le travail de l'onde de forme, attirer des personnalités réincarnationnelles en fonction de ce que le mental envisage dans l'avenir, mais c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est votre réincarnation? Ah, oh, moi, je vais toujours être un salaud. Parfait. Mais change ça. Mais comment veux-tu que je change ça? Mais réincarne de quelque chose d'autre. Réincarne un génie, réincarne quelqu'un qui n'est pas un salaud, réincarne des chevaliers, réincarne d'autres choses. Ah oui, mais ça... Ben oui, c'est de l'énergie. Tu vas gérer tes mémoires, ton illusion du passé, et la remplacer par une autre illusion, drôlement plus efficace, qui va faire en sorte que de là, puis tu vois le monde de même, progressivement, la réincarnation t'engendre le passé, te place vers une autre vision. Et tu vas réincarner maintenant de cette vision de l'avenir. Et si cette vision de l'avenir est pleine d'affinité avec ta conscience et avec ton intelligence, tu vas la laisser venir et te digérer. C'est l'illusion. Ça ne change rien. L'illusion efficace. Pourquoi? Parce que tu as encore un ego. Tu as encore un virus. Tu fais piquer une lance dans le dos, tu fais tourner du côté du soleil. Exact. Eh oui. Il y en a d'autres qui se font piquer une lance dans le dos puis ils se font tourner face au canon. Chacun son choix. Mais là, comment tu fais pour aller manipuler celui qui tourne la lance? Si tu y crois pas, si tu dis... Ah, ben si tu y crois pas, t'es manipulé. Ah, ça marchera pas. Non. Parce que tu peux vouloir dire, je suis la réincarnation, je veux le César. Mais moi, je crois pas que j'ai des caries, donc... j'appliquerai rien. Si je crois que j'ai des caries, ben je... Là, mais quand tu choisis cette incarnation-là, disons que je décide demain matin que je suis la réincarnation, que je veux le César. Puis Jules César, il a peut-être fait bien des conneries dont je ne suis pas au courant. Mm-hmm. Mais moi, l'histoire que j'en ai, la mémoire que j'en ai, disons que c'est un personnage qui m'attire. Je Adapte, m'en vais là-dedans. Tu n'as pas d'enfant. Trop tard. Non, mais je peux pas. C'est ça comme exemple. Un des enfants qui l'a tué. Oui. Tu n'as pas un. Prends une autre incarnation, je veux dire. OK, on prend Laszlo, par exemple. Bon, d'accord. Tu prends cette identité-là, et puis les mauvaises expériences que j'ai vécues, je vais les avoir aussi. Oui. Mais si je ne les sais pas, mm-hmm. si au moment où je choisis de prendre ce personnage-là, je ne connais pas son mauvais côté ou ses mauvais côtés. Ce que tu dois rajouter, c'est qu'il y a Lancelot avec ses mauvais côtés, qui s'incarne totalement chez toi, mais il y a quelque chose d'autre, il y a aussi toi. Et si tu as les mêmes mauvais côtés, tu vas les amplifier. Mais c'est qui, moi? Toi, c'est l'accumulation de la majorité des mémoires réincarnationnelles. C'est la partie de la conscience lucide d'un agglomérat spirituel incarné chez toi présentement. C'est un canal ajusteur de pensée qui est relativement opérationnel, qui permet de l'intelligence à ton propre esprit, à un plus toi que toi, que l'ego ne peut pas comprendre, de venir travailler l'ego. C'est aussi une partie canal réincarnationnelle relativement étranglée. Et là-dedans, il y a une mémoire réincarnationnelle qui vient s'implanter et qui, normalement, ne va t'amener comme expérience que le bon côté de la mécanique réincarnationnelle, sauf que tant qu'il n'est pas digéré, tu auras peut-être des tendances à faire des choses que l'autre a faites. OK, mais si ton toi est capable de l'absorber, de le gérer complètement, mon moi, capable de l'absorber, de gérer complètement, à ce moment-là, j'aurai seulement les bons côtés. Oui, mais il y a une autre chose qu'on peut faire. Quoi? Ben, changer Lancelot. Changer son histoire? Ben oui. Tu changes son histoire. Alors Lancelot du lac devient merveilleux. Mais tu changes son histoire. Tu retiens juste l'histoire que tu veux. De toute façon, tu choisis le personnage que tu veux. Oui, mais sauf que tu dois changer l'histoire. Pourquoi? Parce que la partie d'histoire que tu n'altères pas, elle s'incarne aussi. Elle est dans la mémoire de l'immédiat. Tu fais une nouvelle histoire qui est neuve, qui est belle. Tu fais une nouvelle histoire, puis celle qui est là, tu ne la reconnais pas. Donc, en partant, ça t'aide énormément. Ça tourne. Et que ça paraît fou, parce que l'humain va dire, oui, non, comment veux-tu que je change mon passé? C'est irréversible. Ce qui est irréversible, c'est que vous ne pouvez pas revivre avec la même conscience que présentement une trame que vous avez déjà digérée. Mais ce qui est digéré, ça, vous pouvez le changer, par exemple. Et l'humain ne sait pas comment, mais je l'explique comment. Bien, on comprend de la mécanique, qu'on pourra en parler, mais ça, on irait dans des mécaniques très prénibles à suivre. Mais ça se fait. Puis qui là-dedans se réincarne déphasé dans le temps? Parce que dans le titre de la conférence, je voudrais répondre à la question. Est-ce qu'on s'est réincarné avant le temps? Lancelot, il n'a rien décidé, c'est moi qui décide de l'emmener. Oui, Lancelot, lui, s'incarne trop tard. Bon, lui, il est en retard. Ah, il peut être bien heureux. Mais il va avoir une partie d'adaptation. Imaginez-vous quelqu'un qui réincarne Don Quichotte ici au Canada. Il n'y a pas de moulin avant. Il n'y a plus de stade à bâtir, rien. Ben c'est ça. Don Quichotte n'a pas existé, une chance. Mais quand même. L'individu se réincarne présentement et il devra s'adapter. C'est-à-dire qu'il va mettre à ton service, donc il va se servir de ce qu'il y a de mieux chez lui pour affronter ce qu'il y a. Qui s'incarne avant son temps? Ben ce sont des mémoires de l'avenir. En réalité, il faut bien comprendre, c'est que quand on pose la question, vous êtes-vous réincarné avant votre temps? Pour beaucoup d'humains, oui. Et plus ça va aller dans votre conscientisation, plus vous aurez cette frustration de ne pas être dans le bon temps ou de ne pas être sur la bonne planète. Léonard de Vinci était-il avant son temps? Ou bien, si c'est toute la gang de cons, le reste de la planète, qui était trop tard? Parce qu'on peut faire un point de vue. À son point de vue, ça doit être la deuxième version. Oui. Il y a l'être humain qui s'incarne avant son temps, c'est l'agglomération complète de toutes vos incarnations. Celle du passé, celle de l'événement immédiat confronté à celle de l'avenir. Et cela va engendrer une vision particulière. Plus il y a d'intelligence qui descend chez l'homme, plus l'être humain a une tendance à voir les choses plus réellement. Plus il voit les choses plus réellement, plus il a de tendance à attirer des mémoires réincarnationnelles d'un avenir propre. Donc, plus l'ego actuel, informé de ce qui pourrait être, dans son langage, en réalité de ce qui se passe ailleurs, considère, à un moment donné, qu'il est né avant son temps, qu'il n'est pas sur la bonne planète, façon de parler, ou qu'il n'est pas dans son temps. Mais l'humain ne s'incarne pas avant son temps. Mais est-ce que lorsque tu as des perceptions d'événements qui vont se passer, que tu considères qu'ils vont se passer demain matin, ça m'est déjà arrivé à quelques occasions d'être certain qu'un événement va se produire, puis ce même événement-là se produit 2 ans plus tard. Oui. À peu près, dans un décalage d'à peu près 2 ans. Pourquoi toujours le même décalage? Est-ce que c'est pas un déphasement de l'incarnation? Non, c'est de l'impatience de l'ego qui fait que la chose, elle est là, il la sent, et puis vu qu'il l'a senti d'une façon particulière, bizarre, l'ego y attache plus d'importance émotive, et donc il s'attend à ce que ce soit immédiat. Mais pourquoi c'est toujours le même temps? Pas parce que ça te plaît. Ah bon? Pour d'autres personnes, ce n'est pas le même temps. Ou quand ça arrive dans le monde. Non, je suis d'accord, pour d'autres, ça peut ne pas être le même temps, mais pour le même individu, c'est toujours le même temps. Non, pas nécessairement. Le temps peut être cyclique, ça peut être totalement un cycle irrégulier, ça dépend des individus. Puis il y en a qui voient quelque chose, puis c'est toujours le même temps. Tu as raison, 3 000 ans plus tard, ça arrive, mais ils ne sont pas là pour le savoir. C'est trop loin. L'individu, présentement, qui s'incarne avant son temps, est un être humain qui se conscientise. Celui qui se conscientise a accès à une partie de futurs possibles qui font partie du choix de l'homme nouveau, qui font partie du choix de l'intelligence, qui font partie du choix de l'anégoïsation, donc qui font partie du choix de l'extraterrestrisation. L'être humain seul ne peut, quand je parle de l'être humain, disons l'animal humain seul, l'ego seul, ne pourra jamais s'en sortir. Nécessairement, chaque être humain, du point de vue de l'ego, il s'appelle un être humain, chaque être humain doit avoir accès à une source extraterrestre pour pouvoir s'en sortir. Il doit attirer de l'expérience de l'avenir, il doit attirer de l'expérience provenant de l'extraterrestrialité, il doit nécessairement être en contact avec une mécanique qui ne provient pas du passé et qui ne provient pas dans sa source événementielle du présent. Quand cela se fait, on parle de conscientisation, quand cela se fait, nécessairement vos égos sont informés de ce qui se passe dans d'autres temps, et c'est immédiatement que ça se passe. La preuve, vous êtes déjà en être informé. Mais l'ego, la conscience astrale n'ayant pas cheminé jusque-là, il parle donc de l'avenir. Et cette information-là fait en sorte que l'humain se rend de plus en plus compte des limitations. Autrement dit, l'avenir descend chez vous, et avant, elle se promenait par téléporteur, je donne un exemple, et là, elle est pognée à attendre l'autobus au coin de la rue. Or, nécessairement, elle considère qu'elle n'est pas dans le bon temps. Pourquoi cela arrive? Simplement qu'imaginez que pour préparer le choix, pour qu'à un moment donné, suffisamment d'humains fassent le choix de l'intelligence, comme d'autres vont faire le choix de l'absurdité, ben, il doit y avoir des parties de ces avenirs qui viennent. Alors chez vous, il y a suffisamment de parties réincarnées d'un avenir qui sont incarnées uniquement pour vous forcer à prendre cette bifurcation. Et c'est la frustration qui, si elle n'est pas supportée par de l'intelligence, va forcer l'humain à un moment donné à prendre cette bifurcation. L'individu qui se suicide ne perd simplement sa chance de décider lui-même, avec de l'intelligence, quelle va être sa bifurcation. Celui qui se suicide revient dans un monde d'imbéciles. Parce que dans un avenir propre, les gens ne se suicident pas. Alors l'individu qui dit, ben, je ne suis pas dans mon temps, je vais me suicider, j'en reviendrai plus tard, ben, plus tard, ça peut être en pleine guerre nucléaire, sur une planète Terre. Alors que sur une autre planète Terre, il n'y a pas de guerre nucléaire. En attendant que le temps passe, pour ceux qui ont des mondes, on a une pause, ensuite la période de questions.